Radio Louange à Dieu vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6, et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Yahweh Tobelemi, pembeni na yoe, yamba masanjoli, tobonjeli yoe. Bongo ito pesa na yoe, mitema posa na yoe. Yawe, kumama, papa tele mara kemo, katina biso, yaka musungi na bato, tobele li yoe. Bomo ito pesa na yoe, mitema posa na yoe. Yawe, kumama, kolobongina lokumu, yonde mosantu, ozali kolo na nyonso, libanga na talo. Bomo ito pesa na yoe, mitema posa na yoe. Yawe, kumama, loboko na yo yanguya. Yawe, esala kati na biso, na kombo na Yesu. Babeli babika, bakanga mi bakangwama. Yawe, kumama, Yawe tobelemi, pembeni na yoe, yamba masanjoli, tobonjeli yoe. Bomo ito pesa na yoe, mitema posa na yoe. Yawe, kumama. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great, how great. The lion and the lamb. How great. Yeah. Mama Yahweh. strong believer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the Hey! ce qu'il faut et il fait ce qu'il veut. Il a les mots qui font que les mots s'effondrent, car il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il est la force des faibles. Jésus est le refuge des sans-abri. Et s'il est ce que personne d'autre ne peut être, il a aussi ce qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Vivre sans Christ, c'est être comme un sel sans saveur. C'est comme l'écho d'une voix en détresse qui s'évanouit dans le silence de l'éternité. C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. En toi, je me sens vivre. En toi, je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. L'artisan du bonheur parfait. Il est la joie des cœurs qui chantent et le réconfort des âmes qui pleurent. L'unité des familles, le soupir des nations qui aspirent à la paix profonde. Jésus, mon seul espoir. Jésus, notre seul espoir. Entends les cris